Ah non, mais laisse-la comme ça, laisse-la comme ça et je la fais. Bien, faudrait dire. Tu la donnes, je la fais. Non, tu laisses un silence. Max, laisse-la, celle-là, je la fais. Je t'assomme de temps de phrase, c'est bon, tu laisses de laisser. Non, non, je sais comment la faire, je sais comment la faire. Avant, je t'assomme. Voilà, attends, fais la première. Je t'assomme de temps de phrase. Non, Birker. Dis-moi comment je dois la faire alors.